Ce retour en arrière, à présent que le bonheur est fait de chier, pourquoi encore essayer? Pourquoi à toute fin lutter contre le vide? J'aurai recours au silence si les hommes n'ont plus Dieu que pour. Cadence, j'aurai recours au silence. Si vos rêves n'ont plus que le goût de l'indécence, offense à nos pères, à nos aïeurs, à ceux qui ont péri pour nos existences. J'avance à moitié assommé comme si je comprenais rien aux hommes, mais hélas, la réalité me dépasse. L'air de ne pas être à ma place pour affronter. Mieux vaut demeurer de glace. Tellement de temps que les hommes luttent pour dépasser la raison, savoir si Dieu a un. À présent que les croyances armées ceci, pourquoi encore essayer? Pourquoi à toute fin lutter contre le vide? J'aurai recours au silence. J'aurai recours au silence. Tellement de temps que les hommes vivent, construisent des châteaux de sable pour paraître désirables. À présent que les empires enflés s'abîment, pourquoi encore essayer? Pourquoi à toute fin lutter contre le vide? J'aurai recours au silence si les hommes n'ont plus Dieu que pour la décadence. J'aurai recours au silence si vos rêves n'ont plus que le goût de l'indécence. Offense à nos pères, à nos aïeurs, à ceux qui ont péri pour nos existences. J'avance à moitié assommé comme si je comprenais rien aux hommes, mais j'espère qu'il reste encore des choses à faire, qu'il n'est pas encore l'heure de se taire, qu'il faut toujours y croire. Alors je crierai encore. alors je crierai encore, encore, encore, encore.